ce que je veux dire. Un autre détour, hein. Des détours par la Chine, il y a des détours aussi par des fleuves grecs dont le cours s'inverse selon les marées, et là, il y a des détours par l'évidence, et maintenant c'est un détour par la Bible. Comme vous le... bonjour, enfin re-bonjour, comme vous le savez, la stratégie mise en œuvre par François Julien consiste à passer par la Chine pour lire la philosophie. Et ce, afin de recouvrer prise sur ce qui, à force d'être ressassé, ne nous apparaît plus et même ne nous est jamais complètement apparu. Je voudrais, pour ma part, passer par François Julien et en faire un usage stratégique pour lire la Bible et les traditions chrétiennes afin d'ouvrir, peut-être, j'espère, de nouveaux possibles. Je vais essayer de respecter le temps qui m'a été imparti, 35 minutes, pour me demander avec vous si le chantier ouvert par François Julien permet de réactiver les ressources enfouies dans la tradition biblique et de relancer la pensée théologique. La ressource que fournit le travail de François Julien permet-elle d'éclairer du dehors et de lire autrement et mieux la Bible ? La philosophie a laissé tomber le vivre, explique François Julien. En Europe, n'est-ce pas alors le christianisme qui s'est saisi de cette question, si du moins le christianisme ne sépare pas théologie et spiritualité, ou autrement dit, s'il reste branché sur la source biblique. Il a été question ce matin, Philippe Rath a fait allusion à la Trinité, je voudrais commencer par m'arrêter sur les 4 ou 5 pages que François Julien consacre à la Trinité dans Philosophie du vivre. Merci. Il a été question aussi ce matin, dans plusieurs interventions, de la Genèse, de Babel, de l'Éden, de la première parole de Dieu, et Dieu dit que la lumière soit. Et je vais essayer, en passant par François Julien, de voir comment on peut entrer dans la Bible, ce qui me permettra de poser la question du biblique dans son rapport au théologique. Je précise que mon intervention est exploratoire, que je n'ai pas de conclusion, mais que je vais essayer d'exposer ma lecture, la manière dont je lis François Julien, ses deux livres, et les questions, les difficultés qui me sont apparues à ma lecture. Donc ces deux livres, c'est donc « Philosophie du vivre » et « Entrer dans une pensée » qui forme, il me semble, comme un diptyque, deux pôles d'un même chantier, comme l'adret et l'ubac d'une œuvre, inversant à l'ombre des textes, inversant à la lumière du vivre. Avec une même question dans ces deux œuvres, comment entrer, accéder au vivre d'une part, entrer dans une pensée de l'autre, et une même référence omniprésente à Hegel. Il me semble que si, quand on lit François Julien, en particulier la philosophie du vivre, il me semble qu'à chaque page, on a comme deux personnages qui sont là toujours derrière et qui surplombent son écriture. C'est d'une part Hegel et d'autre part Stendhal. Et les deux sont là toujours omniprésents, il me semble, dans sa manière d'écrire, dans son style et dans les questions qu'il se pose. Pour penser vivre, explique François Julien, le religieux fournit une ressource. Au fond, la manière la plus puissante d'élaborer conceptuellement ce que veut dire vivre, n'est-ce pas ce que les chrétiens nomment Trinité, un Dieu vivant. Et au Dieu chrétien, François Julien consacre les pages 82 à 86 de la philosophie du vivre, j'en lis 6 ou 7 lignes. Car c'est dans la figure chrétienne de Dieu qu'est pensée le plus radicalement, en Occident, l'impropriété foncière ou non-coïncidence de soi avec soi, par laquelle seul peut s'animer le concept de vie, par laquelle seul le concept de vie peut lui-même vivre, à partir de laquelle seul, en somme, la vie, triomphant de l'identité de l'essence qui la fixerait en elle-même, peut trouver son concept. Dieu s'envoie en fils, lui le père, se veut esclave, lui le maître, se vit mourant, lui l'éternel. Il faut que Dieu se quitte lui-même et renonce à soi, passe dans son autre, et aille jusqu'à s'éprouver le contraire de soi pour devenir le Dieu vivant comme esprit. Et François Julien ajoute, ce qui est bien d'entre les monothéismes, l'idée originale du christianisme, christianisme qu'il qualifie de pensée féconde, philosophie de vivre, page 83, et entrer dans une pensée, page 181. En effet, le langage de la croix, pour reprendre l'expression de saint Paul, qui frappe de folie la sagesse du monde, la philosophie grecque, est une pensée de la décoïncidence, qui s'énonce dans le langage de la philosophie, celui du concept. Le christianisme fait scandaleusement face à la philosophie. Je cite « Faire de l'annonce évangélique l'autre de la philosophie, c'est élever d'un coup celle-là au niveau de celle-ci et faire apparaître de celle-ci le manque, donc déjà la renverser. » L'annonce évangélique, poursuit François Julien, vient combler un défaut, vient combler le défaut de la philosophie. Je cite « Face à la mort d'identité, impassibilité, des essences posées par la philosophie et révéler la dramatisation qui tient en tension la vie, ou face au propre sur lequel se bâtit la connaissance et pointer l'impropriété foncière qui fait que la vie est appelée à se désolidariser d'elle-même pour se requalifier dans son autre et ne cesser d'être en vie. » Il est intéressant que Julien écrive que face à la philosophie est révélée la dramatisation qui tient en tension la vie. Quel usage fait-il ici du terme « révélé » ? Est-ce que c'est un usage commun ou est-ce que c'est un usage théologique ? Il poursuit par une citation de l'évangile de Jean qui s'attache à la vie, père la psyché, et il la commente « Ou qu'il faut renoncer à la vie pour pouvoir déployer éternellement la vie. » En effet, la Bible ne distingue pas, n'oppose pas un plan du temps et un plan de l'éternité. La vie n'est pas ailleurs, elle est ici et maintenant. Et un grand nombre d'autres citations bibliques auraient pu trouver ici leur place pour illustrer ce propos. La question est posée explicitement dans l'Évangile. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie ? Et Jésus répond, va, ce que tu as, vends-le et donne-le, puis viens, suis-moi. Ce que dit Jésus, c'est donc décoïncide. Ce que demande Jésus, c'est de décoïncider, c'est-à-dire de passer dans son autre. L'Évangile de Jean le précise de manière plus théorique, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie, il est passé de la mort à la vie, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Je saute la fin de la citation. On devine tout de suite, il faudra y revenir peut-être si nous avons le temps, que ce qui motive, ce qui est le moteur de cette décoïncidence, c'est une parole. C'est une voix, une parole entendue. La folie de la croix est donc ce qui nous fournit les outils non métaphysiques nous permettant de saisir l'absolu du vivre dans chaque instant qui s'offre. Or, concevoir les outils non métaphysiques nous permettant de saisir l'absolu du vivre dans chaque instant qui s'offre, n'est-ce pas là aussi le projet de François Julien ? Le projet de François Julien coïncide sur ce point, ce qu'il veut faire, avec ce que veut faire Paul lorsqu'il parle de la folie de la croix. Il faudrait s'interroger plus précisément sur les liens souterrains entre le chantier de François Julien et le christianisme. Et d'abord, n'est-ce pas la philosophie biblique qui rend possible son chantier lui-même ? Ce qui rend possible sa stratégie philosophique, en effet, c'est la position d'un dehors. Il y met une majuscule. Faire saillir et réagir ce qui s'est si bien replié en dedans qu'on ne le soupçonne plus ne peut se faire que sous l'intrusion d'un dehors. Or, c'est l'entrée biblique dans la pensée qui ouvre la possibilité d'un dehors. N'est-ce pas alors la Bible qui rend possible l'entreprise même de François Julien ? Même stratégie, un dehors. Même préoccupation, vivre. Alors on pourra certes esquiver en disant que les Grecs aussi ont un dehors, le barbare, et qu'il n'y a qu'à lire Homère et Hérodote. Certes, mais il ne s'agit pas d'un véritable dehors, au sens où l'entend François Julien, il n'y a pas de dehors hellénistique, il le montre d'ailleurs dans Entrer dans une pensée, à partir d'une lecture de la théogonie d'Hésiode. Bon, mais laissons cette piste et revenons à la Trinité, aux pages que François Julien consacre à la Trinité dans la philosophie du vivre. Il faut d'abord signaler que le mot même de Trinité est absent de ces pages. François Julien dit « Si Dieu est déclaré vivant, ce n'est donc pas tant que Dieu vienne sur la terre et vive parmi les hommes, ou que ce Fils puisse servir de médiateur conduisant vers lui, ou même qu'en ressuscitant il triomphe de la mort, mais bien parce que, dans son Fils, Dieu s'oppose exemplairement à lui-même, et ce, à l'intérieur de lui-même. Il se désapproprie de soi, il s'échappe à soi, au lieu de reposer mortellement en soi. » Pour lui dire d'un mot, ce qui intéresse François Julien, ce n'est pas que Jésus soit Dieu ou pas, que le personnage historique, M. Jésus, soit Dieu ou pas, mais c'est le concept de Trinité, ce qui se joue dans la construction même de la Trinité. Alors de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de Trinité? Avec l'affirmation de l'incarnation et de la divinité de Jésus, le Christ, Fils de Dieu, s'ouvre la possibilité d'un dialogue entre Dieu et Dieu. Le Fils est homoousios, d'une seule et même substance avec le Père. C'est un terme d'origine stoïcienne, donc philosophique, qui est utilisé par le Concile de Nicée en 325 pour essayer de penser la relation entre le Père et le Fils. Les Pères cappadociens, au IVe siècle, Basile en particulier, distinguent l'unique ousia, l'unique nature divine, et les trois hypostasis, les trois représentations objectives de la divinité. Je ne poursuis pas plus cette histoire, mais je note que cette doctrine chrétienne de la Trinité fait jouer le premier rôle au concept de relation, usant de cette ressource philosophique d'une manière qui est demeurée inouïe pour les Grecs. Pour Aristote, on le sait, la relation n'est qu'un surjon de l'être, Éthique à Nicomaque 1.6, qui ne sert qu'à décrire ce qui est en marge de la substance. Alors que, dans la doctrine trinitaire, les trois personnes ne se distinguent en rien, même substance, si ce n'est par les relations qui les unissent. Le Père, le Fils, l'Esprit. Et Augustin énoncera, dans l'Unité Trinitate, la règle suivante. Ce que l'on dit d'une personne de la Trinité ce qui ne vaut que pour une personne de la Trinité ne vaut pour elle que si cela est dit relativement à une autre, et c'est ad. Autrement dit, chaque personne de la Trinité est la relation qu'elle entretient avec les autres. Dans les pages de la philosophie du vivre que François Julien consacre à la Trinité comme ressource pour ouvrir des possibles, la présentation qu'il en fait est inspirée par son usage hegélien. C'est d'ailleurs Hegel dont il est question lorsqu'est citée une note de Jean-Hippolyte dans son commentaire de la phénoménologie. Une certaine interprétation du christianisme selon laquelle Dieu n'est vraiment Dieu qu'en se faisant homme et connaissant la mort et le destin humain pour les surmonter est à la base de l'hégélianisme. Le problème, c'est que cette interprétation de la Trinité est une interprétation hegélienne, mais n'est pas une présentation, disons, orthodoxe, pour dire comme ça. Ce qui va poser des difficultés ensuite. Pour le dire de cette manière-là, la confusion hegélienne est entre Dieu lui-même, entre une pensée de Dieu lui-même, et une pensée de Dieu telle qu'il se révèle ou se phénoménalise, pour le dire comme les théologiens, entre Trinité immanente et Trinité économique. Ou, pour le dire encore autrement, peut-être, pour user des catégories de François Julien, entre le théologique, la spéculation, et le mythologique, la dramatisation. Dans ces pages, il me semble que si on fait usage de ces deux concepts, le théologique et le mythologique, ce que François Julien pense de la Trinité ne distingue pas l'un de l'autre, et cela nous suggère, c'est ce que j'espère m'acheminer, que le Dieu biblique, ou le biblique, ou la pensée du biblique, n'est pas le mythologique, ni le théologique. François Julien écrit de Dieu, il se désapproprie de lui-même pour s'approprier en homme, venant sauver les hommes. Ou encore, Dieu s'envoie en fils, je l'ai déjà cité, lui le père, se veut esclave, lui le maître, se vit mourant, lui l'éternel. Lorsqu'il emploie ces formules, ce dont il parle, c'est de la trinité économique, la trinité dans l'histoire, la manière dont Dieu se phénoménalise, et pourtant, ce qui l'intéresse, il le dit explicitement, c'est Dieu en lui-même, Dieu à l'intérieur de lui-même, comme il dit. Du coup, vous êtes un instant pour réfléchir, parce que du coup, je passe. Ah, c'est la clepsydre. Tu vois l'heure qui avance. J'en viens. Alors, la vraie vie est ailleurs, en Dieu, dans un dehors, et vivre, c'est entrer dans ce mouvement trinitaire. Car si Dieu est l'autre, il est aussi celui qui est plus intime à moi-même que moi-même, et qui ne cesse d'approfondir ce moi comme intimité, ou comme un travail de l'infini au cœur même du moi. Intérieur intimomeo, dit Augustin dans ses confessions, Augustin se révélera la toute-puissance spéculative de la doctrine de la Trinité. Ce que permet la Trinité, c'est une pensée de l'âme, comme capacité d'éprouver l'infini, une pensée de l'intime, comme du dehors qui est dedans, c'est propre de l'intime, également de la rencontre et de la parole, comme figure de l'événement, c'est-à-dire la possibilité d'un nouveau radical. Autant de ressources de l'expérience chrétienne que le christianisme promeut et propose comme ressources pour l'humanité. Mais j'ai rencontré une difficulté lorsque je lis « Entrer dans une pensée » et que Julien a écrit que le Dieu biblique, extérieur au monde et séparé de lui, ne peut se concevoir qu'au singulier, sans hétérogénéité qui le travaille, le disperse et l'oppose à lui-même. Alors là, du coup, après avoir lu les pages sur la Trinité, je me trouvais confronté à une contradiction, du moins une tension, entre un Dieu trinitaire, le Dieu en lui-même, la Trinité immanente qui ne cesse de décoïncider à l'intérieur d'elle-même, et une autre manière de concevoir Dieu, d'entrer dans une pensée comme un être qui est sans hétérogénéité, qui le travaille, et sans opposition à l'intérieur de lui-même. Or, c'est en Dieu, dans son immanence extérieure au monde, qu'il y a opposition avec lui-même. La Trinité, n'est-ce pas cette ressource de la pensée inaugurée par le récit de Genèse 1, où Dieu est désigné par un mot au pluriel, Elohim. En effet, Dieu est à la fois extérieur au monde et séparé de lui, d'une part, et d'autre part, en lui-même, il se quitte lui-même, renonce à soi et passe dans son autre. Alors ici, la distinction théologique entre trinité économique et trinité immanente permettrait sans doute de clarifier les choses. Mais il me semble que la tension vient d'un point plus profond, qui est que le Dieu dont parle François Julien dans Entrer dans une pensée, c'est le Dieu de la théologie. Le mot vient d'Aristote, du grec, de la philosophie, et ce n'est pas le Dieu biblique, le Dieu vivant. On commence à deviner comment on peut introduire un écart entre le biblique et peut-être le théologique. Ce qui permet cette décoïncidence en Dieu, dans la tradition chrétienne, c'est que Dieu est amour. Et finalement, le Dieu Trinité n'est qu'un déploiement de cette idée, de ce concept, que Dieu est amour. François Julien n'en parle pas, ne parle pas de ce point de départ de la Trinité, où si un vis-à-vis s'ouvre, si de l'altérité se pose, s'il y a un moteur qui fait que l'on va vers de l'altérité, c'est la caritas. Je me suis demandé si ce schème trinitaire vaut pour penser l'homme, pour penser ce que c'est que vivre pour un homme. Et je me demande si la pensée de la Trinité ne permettrait pas de penser un vivre dans l'intersubjectivité, dans la relation à l'autre, dans la manière dont François Julien pense le vivre, il ne le branche pas sur l'intersubjectivité. Or, il me semble que le schéma trinitaire permettrait de penser un vivre en lien avec l'autre, et permettrait aussi de penser non seulement la décoïncidence, mais aussi l'unification à soi, ou ce type même d'unification qui est celui de la Trinité, et permettrait de montrer donc comment une vie à la fois est vivante parce qu'elle décoïncide, mais en même temps parce qu'elle se reprend elle-même à chaque fois dans ce mouvement même de décoïncidence. Et je crois donc que l'idée que je retiens, c'est que il faut relire la tradition chrétienne, il faut relire ce que les théologiens disent de la Trinité pour penser ce que veut dire vivre. J'avance pour en venir à un deuxième moment de choses que je voudrais dire sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible ? En un mot, en une phrase. La Bible, c'est le récit d'expériences de vie et d'accès au vivre, qui en raconte aussi les impasses. C'est une exploration de ce que veut dire vivre, exploration qui est inspirante, c'est-à-dire vivifiante pour son lecteur. Autrement dit, la Bible peut être dite inspirée dans la mesure où elle est inspirante, c'est-à-dire dans la mesure où elle permet la décoïncidence. Ce qu'on appelle la révélation est insufflation d'une façon d'être, d'un vivre initié par la parole, dans le dialogue. La révélation est un dialogue qui concerne ce que veut dire vivre. S'ouvre alors ici un chantier. La philosophie de François Julien, les concepts qu'il construit, se révèlent, je crois, on pourrait le montrer à travers une traversée de nombreux textes bibliques, se révèlent fécondes pour réouvrir la lecture de la Bible. Le travail de François Julien est une ressource féconde pour le philosophe qui veut penser la Bible, pour reprendre une expression de Paul Ricoeur. Vivre, c'est l'unique souci de ce récit, par exemple, placé au fronton de la Bible, je le prends parce qu'il en a été question ce matin, le récit des chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse. C'est vivre qui préoccupe le rédacteur d'un récit où il est question d'un homme et d'une femme dont le prénom est Ève, Hawa, c'est-à-dire précisément la vivante. Vivre, c'est s'enraciner dans du local, dans un lieu. Ce lieu est ici un jardin, on l'a évoqué ce matin, en Éden, à l'Orient. La connivence, c'est-à-dire l'intimité ou la complicité entre l'humain et le lieu, est explicitement signalée dans le texte biblique, et Adonai Elohim prit l'humain et le déposa dans le jardin pour le travailler et le cultiver. L'humain a pour tâche de cultiver ce lieu où il se trouve. De cet humain, il est dit qu'il est pris de la terre par un jeu de mots entre l'humain à Adam et la terre, l'humus à Adama. Après le premier récit de création, donc, Genèse 1, récit global, le second récit creuse un paysage, décrit l'humain en connivence avec un lieu qui est pour lui ressource à cultiver ou à exploiter. Et on sait ce que François Julien dit du lieu et du paysage dans les pages 60-62 du Pont des Singes. Vivre, c'est donc là tout l'enjeu des premiers chapitres de la Genèse. Dieu donne tout ce qu'il faut pour vivre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'humain ne vit que pour autant qu'il reçoit ce qui lui est donné comme un don et meurt s'il s'approprie le don. L'humain dispose de tout, mais ne peut mettre la main sur tout. De l'arbre du connaître bien et mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Genèse 2:17. Une limite est mise ainsi au désir d'appropriation, c'est-à-dire au propre, c'est-à-dire à l'identité à soi, c'est-à-dire que Dieu préserve la possibilité même d'une décoïncidence. Il a été question de la tour de Babel ce matin, par allusion. Daniel Bougnou nous en a dit une allusion, donc je vais prendre ce récit. Dans le récit dit de la tour de Babel, donc au chapitre 11 de la Genèse, alors que règne l'uniforme, même langue, même espace, même projet économique, l'uniforme, Adonai est le nom de celui qui vient susciter de l'essor. Au centre du récit, en effet, il y a l'intervention d'Adonai. Et Adonai descend d'y voir. Dieu, Adonai, intervient pour entraver le processus d'uniformisation porteur de mort. Il défait le projet d'uniformité des humains. Il initie de l'essor, de l'effectif, de la décoïncidence, bref de la vie, si tant est que vivre, c'est décoïncider d'avec soi pour passer sans cesse dans son autre. Donc Dieu est celui qui relance de la vitalité, ici dans ce texte, par dispersion géographique des peuples et par multiplicité des langues. Alors que l'enlisement menace le vivre, Dieu est celui qui maintient la vie en essor ou dans son émergence. J'avance, je poursuis. Donc là, c'était pour vous indiquer comment il y a une fécondité des concepts de François Julien pour réouvrir le texte biblique. Je voudrais faire part d'une autre difficulté en lisant toujours ces mêmes pages, c'est l'opposition construite par François Julien d'entrer dans une pensée entre le mythologique d'une part et le théologique de l'autre. La ressource biblique, que François Julien appelle théologique, opposée à une ressource grecque, hésiodique, qui est le mythologique. Il me semble que dans cette manière d'opposer l'un à l'autre, du coup, on confond le théologique et le biblique, et à mon avis, il y a une spécificité du biblique qui n'est pas le théologique. On se demande où se trouve le philosophique. Est-ce que le philosophique, c'est la catégorie qui opère pour établir cette distinction, ou est-ce qu'il y a une thématisation du philosophique dans cet ouvrage, par exemple un philosophique qui serait uniquement dans le prolongement du mythologique? Où se trouve le religieux? Est-ce que le religieux est une catégorie du même ordre ou non? Voilà des questions que me posent les distinctions qui sont faites. Merci. Ce qui intéresse les Grecs, les philosophes, c'est la nature, la physis. Les philosophes sont des physicoi, des physiciens. Penser en philosophe, explique Anaxagore, c'est faire du ciel et de l'ordre de la totalité du monde l'objet de sa spéculation. Ou, non pas moi mais le Logos, dit Héraclite, fragment 50. Or, la pensée biblique n'est pas d'essence métaphysique. Elle ne se fonde pas sur l'ordre immuable du cosmos. Elle naît précisément au creux d'une expérience de destruction, de la perte du cosmos comme fondement d'un ordre, au bord des fleuves de Babylone, dit le psaume, dans l'exil. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'exil à Babylone. Donc l'expérience biblique n'est pas celle d'un ordre, elle est celle d'une catastrophe, celle de la violence. L'expérience biblique est historique et eschatologique, et elle espère, fondamentalement, la victoire de la vie, là où domine la violence, la cruauté et la mort. C'est dans l'exil que se fait jour la foi dans un Dieu créateur, que surgit l'idée de création, qui n'est donc pas un concept métaphysique, qui n'est pas le cosmos, qui n'est pas la physis. C'est au moment de l'exil que s'effondre un cosmos, c'est-à-dire au sens propre et antique du terme, l'habitabilité d'un espace-temps. La création sera représentée comme la première de toutes les victoires sur les forces hostiles, celle du chaos. Donc le biblique ne pense pas la création en termes d'ordre immuable, mais sur fond de violence, de destruction et de mort. Et la création sera alors une parole qui réconcilie, qui met du jeu, qui accomplit, une parole d'alliance. Je signale, là, encore une fois, pour revenir à cette convergence entre ce que dit François Julien et ce que dit la Bible, c'est que si on regarde comment, dans ce moment, surgit la foi biblique en universel, on voit que la foi biblique en universel n'est pas fondée sur l'ordre du monde, sur une identité ou sur des valeurs, mais elle ouvre une brèche dans les clôtures qui opposent les groupes, les peuples, les cultures. C'est une foi qui est émancipatrice et subversive, et qui maintient l'humain en quête d'une fraternité. Je crois qu'il y a une jonction assez forte dans la manière qu'a François Julien de penser l'universel dans son ouvrage du même nom, et l'universel biblique versus universel grec. Au terme cette traversée rapide du biblique, je voudrais revenir donc à les distinctions que l'on trouve à partir du chapitre 7 d'entrée dans une pensée. Entrée hébraïque, qui s'appelle d'ailleurs ce chapitre 7 entrée hébraïque. Ce qui permet à François Julien de construire une opposition entre entrée hébraïque et entrée hellénique, entre les deux ressources que sont le théologique d'une part et le mythologique de l'autre. Et François Julien, je l'ai dit, désigne les premières pages de la Genèse comme étant une entrée théologique dans la pensée. Il évoque, je cite, « le dogmatique auquel est conduit le théologique ». Certes, le théologique est conduit à du dogmatique, mais le théologique n'est peut-être pas le biblique. En tout cas, je me pose la question. Il me semble, je parlerai pour ma part plutôt d'une pensée biblique que d'une pensée hébraïque, dans la mesure où il y a du biblique non hébraïque, le grec des Septante et le Nouveau Testament. Alors certes, le biblique a été arraisonné dans la tradition occidentale et étouffé par la philosophie, donc par le théologique, mais je crois qu'on peut distinguer le biblique du théologique. Je vais conclure. Face au logos grec, il y a la parole biblique. François Julien montre comment, en étudiant la première phrase du récit de la Genèse, comment la parole vient faire effraction, vient poser du coup un ailleurs et un sujet. Je vous rappelle cette première phrase. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Or, la terre était tohu-bohu, etc. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette première phrase, cette toute première phrase, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est pas une action de Dieu, sans doute un titre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce n'est pas une action, c'est un titre. La première action, elle vient avec la première parole, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Première action de séparation à travers une première parole. Face au Dieu des philosophes et des savants, premier moteur immobile ou causa sui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, l'un vis-à-vis de l'autre. Du Dieu biblique, la question n'étant certes sans doute pas celle de son existence, dont on a à peu près rien à faire, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, pour tenter que la question ait un sens. Elle a sans doute un sens pour le Dieu de la théologie, le Dieu des philosophes et des savants, mais sans doute pas pour le Dieu de la Bible. Du Dieu biblique, ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'il n'est pas le Dieu grec de l'être, mais c'est le Dieu vivant de ce petit mot « vivre » qui est sous-jacent. Le Dieu de la Bible appelle, faisant advenir ainsi un « tu », T-U, et ouvre l'espace d'une réponse et d'un dialogue, c'est-à-dire de la parole et du récit. D'un récit, d'une parole et d'un récit inspirant qui, à mon sens, ne peut pas être reporté ni du côté du mythologique, ni du côté du théologique. La dramatisation propre, si on veut garder ce terme du récit biblique, n'est pas la dramatisation de la mythologie, l'absence de dramatisation, l'absence de représentation et la spéculation de la théologie. Et pour indiquer mes sources, pour finir, c'est dans cette voie, cette direction du biblique, que cette description de ce que c'est que le biblique, que s'est engagé des exégètes comme Paul Beauchamp, ou des théologiens, depuis le début des années 70, dans l'école ouverte par Jean-Baptiste Metz pour une théologie du monde, suivie par exemple par Eberhard Jungel dans les deux volumes de Dieu, mystère du monde, ou encore la théologie de la libération en Amérique latine. Donc une manière de caractériser le biblique par écart au théologique et au mythologique. Je vous remercie de votre attention pour ces mots qui étaient uniquement là pour essayer d'ouvrir du débat et du questionnement. Ce n'est pas une communication de colloque, c'est une communication de séminaire. J'espère qu'on va pouvoir discuter. Merci. D'ailleurs, il faut entendre notre rencontre comme étant plutôt de la nature de